freestyle, 2011, Goulou prodige. Freestyle, cicatrice. Vas-y, envoie le micro et fais tourner le tourne-disque. Et oui, je t'ai dit, j'ai trop les crocs, génération 90. Le bon hip-hop, il est bien loin, et je te l'ai déjà dit. Les mentalités ont changé, maintenant les petits te baissent à 10. Fini la Gold, GTI, ils veulent tous rouler en assise. Enchaîne les casses et les conneries, puis se retrouvent aux assises. De cette vie, je suis spectateur, t'inquiète, il reste des places assises. Jamais balancer les frérots, rester droit, c'est la devise. Tenté par la drogue et l'argent, on est tous pris entre deux vices. Et les journées se répètent, et je tourne en rond comme un tourne-disque. Dès le matin, substance marron avec un choc au cannabis. Dans ma tête, ça j'ai le cerveau plein de cicatrices. Alors je m'enfile des gros bédos pour dormir quitter la matrice. Plongé dans mes rêves, ma gueule avec 4 ou 5 actrices. Tu te prends pour une star, mais tu sors d'incroyable talent. Vas-y, passe-moi un micro et t'as ma bite au bout de ta langue. J'ai usé le bitume avec ma paire de nouvelles stars. Viens faire un tour en bas de chez moi, on recherche pas la nouvelle star. Tous équipés en outils, confond pas le Glock et le tournevis. Je passe pas entre les flammes, on s'appelle pas tous Bruce Willis. Dans un océan de soucis, j'ai pas la vie de Florian Bernard. Un jour la France va nous couler, on n'est pas tous à l'Invernard. En bas de chez nous, c'est chaud, des négros, des blancs et des beurs. Là où tu survis pas 10 secondes si tu ressembles à Justin Bieber. Sache que l'été est chaud, mais dans nos têtes, la Sibérie. J'aimerais bien baiser Zaya et porter le maillot de Ribéry. À 2,5 dans la caisse, siro à donf, je ressors du club. Premier virage, carambolage, m'appelle pas Sébastien Loeb. Avant, quand j'étais petit, et oui, je l'avoue, j'avais un grand cœur. Aujourd'hui, j'ai grandi, je te dis franchement, je ressens trop de rancœur envers ce gouvernement où le président est un menteur. Avec leur beau discours, en fait, c'est eux les arnaqueurs. Gère la télé, les médias, putain, croire que c'est des acteurs. Ils nous promettent des miracles afin de voir leur nom dans les urnes. Ils retapissent les murs de ma ville, collent des affiches dans les urnes. Un grand sourire en façade afin que t'oublies que la vie est dure. Je viens de raconter ma jeunesse, H24 passé sur le bitume. À 14 piges, plein le cul, je décide de stopper les études. Un jeune beaucoup trop têtu qui pensait qu'à une chance la thune. Et les journées se répètent, goudron à un goût d'amertume. Je m'aperçois qu'en fait c'est chaud, l'argent rate pas aussi facilement. Du whisky dans mon godet, énervé je parle plus gentiment. L'atmosphère se réchauffe, 40 degrés le cul sur le ciment. Toute la journée à faire des jazz, des billets en remerciement. Si je suis devenu ce que je suis, c'est grâce à toi, je remercie moi. Le temps passe illogique, je viens de passer mes 20 ans. Et oui putain je suis nostalgique quand je repense au bon vieux temps. Tellement de trucs tragiques, j'ai pas pu changer à temps. Putain ce serait magique si je pouvais revenir dans le temps. Le jour de mes 14 ans, transformer le passé en présent. Pour revenir en arrière, redevenir un adolescent. Poser mon cul autre sang, boire une canette avec Vincent. Et passer tous ces moments où j'ai fait couler du sang. Le temps peut te nuire, faisant un gros bien tassé. Tellement de souvenirs dans ma tête sont entassés. Petit retour en arrière, je me remémore le passé. Aujourd'hui j'ai 14 ans et il est 10h du mat. Dans mon casque, du vieux psychiatre à la bouche, un joint de patate. Je me dirige vers la centrale alors que je devrais être en maths. Je vais me poser sur les marches comme tous les jours, j'attends recta. Petit déjeuner à sec et on s'en pique quelques êtres là. À l'arrière de la Renault 5, la belle époque, tu te bosses là. La belle époque, tu te bosses là, de la bombe de Taga. Tous les anciennes prates se souviendront de la saga. Oui, de bras ma gueule, je te l'ai déjà dit, c'est saga. Un bras des haines ne meurt pas, un bras des haines ne meurt pas. Il reste posé sur son pack et nous attend là-bas. Et nous attend là-bas. Et nous attend là-bas. Ici sache que chaque jour, poteau on pense à toi. Poteau on pense à toi. Poteau on pense à toi. Repose en paix frérot. Repose en paix frérot. VNS 3, 4, 7.